19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. En harmonie avec la nature, dans leur grande toche blanche, ils se réunissent au solstice, de préférence autour de menhirs, cairns ou cromlechs, dont le saint des saints est sans conteste Stonehenge. Bienvenue chez les néo-druides, les celtomaniaques. Si le druidisme est désormais reconnu en tant que religion outre-Manche, que sait-on de la religion des Celtes, des Gaulois ? Désormais, les sources antiques, Posidonios, Strabon, César, sont loin d'être les seules. Depuis peu, l'archéologie a totalement renouvelé notre vision sur cette société, ses mœurs, ses croyances. Justement, Jean-Louis Bruno, bonjour. Bonjour. Disons-le tout de suite, par vos découvertes, vous avez révolutionné nos connaissances sur les religions gauloises, notamment au travers de la découverte de grands sanctuaires. Nous y reviendrons. Jean-Louis Bruno, la religion gauloise est-elle comme la nôtre, une religion instituée ? Dans le sens propre du mot religion, indique justement qu'il y a une institution. Toutes les religions sont en principe instituées, mais c'est pourquoi j'ai donné ce titre des religions gauloises au pluriel, pour bien montrer que, parallèlement à des cultes locaux qui ont pu survivre quelque temps, s'est instituée progressivement une religion dont on parlera plus abondamment, notamment quand on évoquera les druides, qui à ce moment-là devient une religion, une sorte de culte d'État, donc qui est véritablement instituée. En tout cas, les Gaulois pensent à l'immortalité de l'âme. Oui, alors ça, c'est vraiment la grande caractéristique des Gaulois, parce qu'il faut savoir que dans l'Antiquité méditerranéenne, hein, c'est-à-dire entre l'océan Atlantique et quasiment l'Asie mineure, la croyance en l'immortalité de l'âme était très peu reconnue par les différents peuples, et les seuls qui ont adopté cette croyance sont les poètes orphiques, donc des Grecs d'une époque assez ancienne, les pythagoriciens, c'est-à-dire les disciples de Pythagore, et les Gaulois. Donc ce n'était pas du tout une habitude dans l'Antiquité, notamment chez les Grecs et non plus chez les Romains, de croire qu'il y avait une vie dans l'au-delà. Or, c'est ce que croyaient les Gaulois. On connaît Toutatis grâce à la bande dessinée, mais le panthéon celtique est-il organisé par les Gaulois ? Alors, il est devenu organisé à la suite du travail des druides, donc qui ont reconstitué un panthéon. Alors, on sait, enfin, c'est surtout les historiens de la religion qui connaissent bien ces choses-là, que dans l'Antiquité, on avait trois types de panthéons, en quelque sorte, ce qu'on appelait les trois théologies. Donc, un panthéon mythique, donc qui, lui, est finalement l'héritier des temps préhistoriques, donc avec des divinités qui peuvent être des divinités mères, des dieux locaux, etc. Un panthéon civique, donc qui est vraiment défini par l'organisation politique, et un panthéon philosophique. Et donc, on assiste chez les Gaulois, probablement à partir du IIIe siècle, sous l'emprise des druides, un panthéon qui est très bien organisé, dont César a gardé témoignage dans son ouvrage « La guerre des Gaules », où il reprend les informations qu'il a trouvées chez Posidonios d'Apamée, où il nous dit que les Gaulois croient en quelques dieux qui ressemblent, à s'y méprendre, à ceux des Grecs et des Romains. Et quand on regarde, enfin il cite 6 ou 7 dieux, ce sont tous des dieux bénéfiques, donc sont tous des dieux qui ont rapport à la culture, à l'artisanat, au commerce. Donc ce sont vraiment des dieux de civilisés. Donc ce ne sont pas des dieux qu'on craindrait. Alors on connaît bien sûr Toutatis, il y en a d'autres quand même. Alors les textes antiques nous ont gardé témoignage de 3 dieux. Donc effectivement Toutatis ou Teutates, Esus. Et donc, ce sont des dieux qui ne peuvent pas être directement, enfin, auxquels on ne peut pas faire correspondre ce panthéon dont nous parle César. Parce que c'est probablement des qualificatifs, notamment Toutatis, c'est le dieu de la cité. Donc, c'est pas un dieu particulier. Esus, c'est probablement une manière d'appeler, disons, gentiment un dieu qui était méchant. Donc, C'est difficile de dire s'ils ont régné sur toute la Gaule. Probablement pas. Et Taranis, le troisième, alors lui a une explication plus simple. On l'assimile à une sorte de Jupiter, parce que dans Taranis, on retrouve Taran, qui semble être l'évocation de la foudre. Donc c'est un dieu du ciel. Mais à partir de là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin et on n'a pas d'autres témoignages d'autres dieux avant la conquête romaine. On a des déesses ? Les déesses, encore une fois, elles n'apparaissent qu'à la période gallo-romaine. Bon, tout le monde connaît par exemple Epona, la déesse aux chevaux. Alors ces dieux qui réapparaissent à la période gallo-romaine sont probablement des dieux anciens. Très très anciens même, d'avant la réforme druidique, qui réapparaissent dans un contexte où on laisse une liberté aux croyants, une liberté au peuple de reprendre ces anciens dieux. Jean-Louis Bruneau, ce sont les trois derniers siècles de l'indépendance gauloise qui nous fournissent le plus de renseignements. Mais peut-on remonter ce religieux dans la profondeur du temps ? Difficilement, parce que on n'a pas, d'une part, on n'a pas les sources antiques, puisque les sources antiques ne remontent guère plus avant que le 3e, quelquefois 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc on n'a plus de textes antiques. Et puis l'archéologie, pour ces périodes-là, n'a pas livré jusqu'à présent de témoignages très probants. Alors on sait que de toute façon, on est encore une fois dans l'héritage des temps néolithiques, des temps des premiers âges des métaux. Tout ce qu'on a, c'est par exemple des représentations à la Vallée des Merveilles de choses qui pourraient avoir rapport avec les dieux. Mais il est difficile d'en tirer parti. La Vallée des Merveilles, donc, gravée sur la roche. Voilà. Pour comprendre la religion gauloise, il faut relire les sources antiques, César, bien entendu, mais aussi peut-être Posidonios, Cicéron ou Ammien Marcellin. Oui, alors tous ces auteurs, c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de ces recherches, je dirais, c'est que tous ces auteurs apportent un petit peu leur pierre à l'édifice, en sachant que certains, comme Posidonios d'Apamée, donc ce grand savant grec contemporain de César, mais quand même beaucoup plus âgé que César, lui a beaucoup apporté dans une œuvre qui malheureusement a totalement disparu, mais qui a été recopiée en partie par César, en partie par Diodore de Sicile, par Strabon, et aussi par Ammien Marcellin, par exemple. Ammien Marcellin fournit de très bons renseignements. Oui, on en parle peu, c'est pour ça que je m'arrête. On en parle peu, c'est le quatrième homme, en quelque sorte, qui est le quatrième héritier de Posidonios d'Apamée, précisément. Les Gaulois croient en l'immortalité de l'âme. Les dieux gaulois ne sont jamais représentés. On se souvient de Brennus éclatant de rire devant la statuaire d'Apollon à Delphes. Oui, alors ça c'est un moment capital. Oui, c'est un passage très intéressant, donc qui est rapporté notamment par Diodore de Sicile, qui nous dit que lorsque Brennus est entré dans un des temples de Delphes, il a vu ces statues et donc il a été pris d'un énorme éclat de rire en disant ces gens sont fous qui représentent les dieux à notre image. Et ensuite il a dit vous pouvez vous servir, de toute façon les dieux sont assez riches, ils peuvent bien nous en donner une part en quelque sorte. Et c'est effectivement un renseignement très intéressant qui rejoint ce que l'archéologie ne cesse de confirmer depuis des décennies, c'est-à-dire que on n'a pas de représentation des dieux avant, disons, le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, au moment où, là, l'influence romaine devient très forte. Et tout ça montre bien qu'il y a eu un interdit très, très puissant de la représentation anthropomorphique des dieux, qui va aussi avec l'interdiction de l'écriture, puisque tout le monde sait, depuis qu'il a lu César, ou une partie de César, ou ce qu'on raconte de son œuvre, La guerre des Gaules, que les druides et les Gaulois en particulier, ne pratiquaient pas l'écriture. Donc c'était une façon de garder un petit peu la connaissance dans un cercle très privé. Et c'est quelque chose qui nous rapproche énormément des pythagoriciens, donc qui cultivaient exactement le même rapport avec le savoir, c'est-à-dire que le savoir devait faire l'objet d'une transmission orale, rester seulement dans les mémoires, ne pas être divulgué. Alors, quant à la représentation divine, là, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte, c'est que seuls les Grecs, finalement, ont eu, parce que les artistes grecs étaient très, très forts, cette idée de donner aux dieux des traits humains. Et ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi, à l'âge classique, à donner des représentations qui sont absolument sublimes. Et effectivement, à cette époque-là, non seulement les dieux sont devenus humains, mais certains ont dit les humains sont devenus divins. Les Gaulois n'ont pas eu cette idée parce que leur art n'était pas assez développé. Et donc, il était pour eux certainement au départ impensable de représenter les dieux comme les hommes. Justement, comment sont représentés ces dieux tardifs gaulois du 1er siècle avant notre ère ? Oh ben, ils sont représentés déjà avec des traits en partie romains. Et ils sont, la facture des sculptures, de quelques sculptures que l'on a, sont généralement quand même assez grossières. Jean-Louis Bruno, existe-t-il toutefois un art qui pourrait nous renseigner sur cette religion gauloise, à défaut de représenter les dieux ? Oui, certainement. Mais alors, comment le lire, ces expressions artistiques ? Là, c'est tout un travail qui reste à faire, qui est absolument passionnant, qui reste à défricher. Et je pense que ce seront nos descendants qui le feront. Mais on s'aperçoit très bien que l'art tel qu'il s'est développé en Gaule entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle, donc à peu près l'arrivée des Romains en Gaule, en quelque sorte, prend des formes qu'il n'a nulle part ailleurs. Donc on a notamment cette absence de représentation divine, mais aussi de représentation humaine, de représentation animale, et on a en quelque sorte des contournements de ces représentations par d'autres expressions, notamment l'art géométrique que l'on voit dans certaines productions de Champagne, les magnifiques phalères qui ornent les chevaux, où on a des motifs géométriques qui sont le produit de recherches extrêmement puissantes. Alors je pense par exemple à une pièce qui a été trouvée sur le tarmac de la piste 4 de Roissy, où deux tombes à chars avaient été découvertes il y a environ 15-20 ans. Une pièce tout à fait exceptionnelle, en bronze à la cire perdue, avait été découverte. Visiblement, on a affaire à des pièces qui sont des pièces narratives. Oui, certainement. Est-ce que ça ne peut pas raconter une histoire, ces objets ? Ça, c'est très difficile à dire, hein, parce que de toute façon, on n'a pas les codes. Mais c'est aussi un jeu. Je pense que ces pièces-là, qui appartiennent à ce qu'on appelle le style plastique, puisque ce sont des pièces sculptées, qui sont donc en trois dimensions, elles peuvent être lues, et ça, c'est leur particularité à toutes, de différents points de vue. Et suivant l'angle avec lequel on les regarde, on y voit soit des figures humaine ou animale extrêmement symbolisée, et dans l'autre sens, on verra des formes végétales. Alors effectivement, ça signifie certainement quelque chose, peut-être la fluidité de la vie, le cycle des espèces, probablement il y a tout ce discours. Ce qui est certain, c'est que cet art géométrique dont je vous ai parlé, ou l'art effectivement qui s'exprime dans le style plastique, ou ce qu'on voit dans les monnaies sont absolument extraordinaires, tout ça montre que l'artiste n'est pas seul. En Gaule, il n'y a pas d'artiste, en fait. Il n'y a pas un individu qui est créateur, mais c'est quelqu'un qui est dans un milieu intellectuel qui répond à une demande d'intellectuel qui lui propose des cartons, en quelque sorte. De qui se compose le corps sacerdotal ? Bien sûr, des druides. Oui, alors les druides, mais il faut pas non plus trop leur en donner. C'est ce qu'a fait César, parce que lorsque César, notamment, recopie ou résume la pensée de Posidonios, il ne le fait pas toujours très bien. Quelquefois, il le fait très bien quand il nous dit qu'il nous parle de l'Assemblée des Carnutes. Mais pour les druides, il a voulu en faire des prêtres, ce qu'ils n'étaient pas et ce qu'aucun autre auteur grec ne dit. En fait, les druides, ce sont des théologiens. Donc on a vu tout à l'heure qu'ils se rapprochaient des pythagoriciens. Donc ce sont des gens qui sont des sages, qui cultivent la pureté et qui ne veulent pas se mêler du sacrifice, qui ne veulent pas faire des choses impures, en quelque sorte. Ce sont des philosophes chez les barbares. Voilà, ce sont des philosophes à la mode antique, donc des gens aussi qui s'interrogent sur les dieux, sur la nature des dieux, donc sur la nature de l'immortalité de l'âme, sur la nature de l'âme. Druide viendrait de deux mots celtiques, dru et wid, c'est bien oui, ça ? Oui, ce sont deux mots, effectivement, de la langue gauloise, qui appartiennent à des racines indo-européennes bien connues, donc, enfin, surtout le deuxième. Le wid, c'est le wideo latin qu'on retrouve dans vision, télévision, etc., ou oida en grec, c'est la même racine. Donc, ça indique que ce sont des voyants. Et le dru est probablement un adverbe intensif qui fait peut-être un rapport aux chênes. Donc la traduction, ce serait les très voyants et peut-être les très voyants par une puissance qui serait l'égale de la puissance du chêne, peut-être. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Louis Bruno, on connaît quelques druides tardifs, notamment Divisiac, qui prononce un discours devant le Sénat romain. Oui, alors ça, c'est une Divisiac, c'est un personnage très important dans l'histoire de la Gaule, puisque il est quasiment l'équivalent de Vercingétorix, même peut-être il a une plus grande importance que Vercingétorix en fait. S'il fait un discours devant le Sénat romain, c'est qu'il est aussi sénateur. Donc ce qui nous montre que au 1er siècle avant Jésus-Christ, les druides participaient à la vie politique. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que César parle beaucoup de Divisiac, qu'il l'a fait venir en Gaule, qu'il l'a aidé à conquérir la Gaule. Donc Divisiac était en quelque sorte un collaborateur, il faut appeler les gens par leur nom. Divisiac était allé en Gaule pour plaider la cause des Éduens, qui justement étaient, aux prises avec les Germains qui voulaient envahir leur territoire, et demander de l'aide au Sénat romain, en vertu d'un traité d'amitié de plus d'un siècle. Alors Divisiac est druide et César est pontife. Oui, oui, c'est étonnant. On est dans la religion, là. Ah, ça, c'est effectivement c'est ce qui nous montre, quand vous dites pontife, César était pontife. On va parler de Cicéron. Cicéron était augure, donc il avait aussi un titre religieux. Et chez les Gaulois, visiblement, c'était la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce récit de la guerre des Gaules où apparaît Divisiac, jamais César ne nous dit que Divisiac est druide. Et je pense qu'il faut croire que César lui-même ne le savait pas. Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, je rappelle que nous évoquons la religion gauloise avec Jean-Louis Bruno, archéologue et directeur de recherche au CNRS. On sait que les druides se réunissent, notamment chez les Carnutes. Ils pratiquent aussi la justice ? Oui, alors cette réunion, César, qui nous donne cette information qui est capitale, qui est très importante pour comprendre la civilisation gauloise, qu'il tire toujours de l'œuvre de Posidonios d'Apamée, nous dit que les Gaulois se réunissent dans ce lieu, qui est un lieu d'assemblée, donc dans le pays des Carnutes, qui correspond, dit-il, au centre géométrique de la Gaule. Et c'est là, dit-il, qu'il tenait des assises judiciaires où les individus qui avaient des différends, ou même des cités qui avaient des différends, venaient exposer leurs problèmes à ces druides qui jugeaient. Et donc on a une justice tout à fait intéressante qui est totalement indépendante de l'État et aussi indépendante de la religion, ça n'a rien à voir. Mais je pense que ces assises des druides dans ce lieu d'assemblée centrale, au départ, c'était un lieu d'assises théologiques, c'est-à-dire que comme les druides n'écrivaient pas, leur foi pouvait partir dans tous les sens, on pouvait assister à tous les schismes possibles, et donc il fallait des réunions régulières, donc tous les ans, pour non seulement, contrôler le dogme, mais aussi diffuser auprès de tout le monde les découvertes scientifiques de chacun, puisque les druides étaient aussi des savants. Donc il y avait plusieurs raisons pour ces assemblées. Il n'y a pas que les druides, il y a les bardes, il y a les ovates, c'est bien ça, qui sont des sortes de devins. Oui, alors ça c'est, encore une fois, c'est quelque chose que nous raconte Posidonios, sans nous dire un petit peu la chronologie de ses fonctions, c'est-à-dire que les bardes, eux, on sait qu'ils ont, toujours continué jusque la conquête romaine, mais leur fonction a changé, c'est-à-dire qu'au départ, les bardes étaient probablement des poètes inspirés, qui ont dû être combattus justement par les druides, quand les druides ont commencé à prendre un petit peu le pouvoir, puisqu'on a eu la confrontation entre les deux théologies dont je vous parlais tout à l'heure, celle des poètes, la théologie mythologique, et celle des savants. Donc il y a eu affrontement, et on sait que les druides sont sortis gagnants de cet affrontement. Donc les bardes sont devenus en quelque sorte des sortes de ménestrels auprès des aristocrates, donc ils ont chanté leur gloire. Quant aux ovates ou vates, là on a une petite incertitude sur le nom réel de ces individus, effectivement c'était des devins, à une époque certainement ancienne, qui faisait ce qu'on appelle de l'extispicine, c'est-à-dire qui devinait l'avenir d'après les entrailles des animaux qui étaient sacrifiés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été probablement combattu par les druides et qui a été certainement, ils ont réussi effectivement à les éliminer aussi. Il y a aussi des sortes de poètes épiques à l'image de ceux dans la société homérique ? Oui, alors effectivement, à une époque ancienne, là, les bardes ont joué ce rôle qui était très important parce qu'il fallait diffuser un certain nombre de connaissances, ne serait-ce que l'histoire du peuple, même si elle était mythique, et ces poètes, c'est eux qui avaient ce rôle. Peut-on penser que la religion est du ressort du secret, semble-t-il ? Oui, là, chez les Gaulois, effectivement. De toute façon, tout est du ressort d'une connaissance qui est partagée entre quelques individus. Et donc, d'initiés. D'initiés. De toute façon, ça, c'est vraiment ce qui permet la comparaison étroite entre druides et pythagoriciens, c'est-à-dire qu'il faut un apprentissage. Et on sait que pour être druide, il fallait suivre un enseignement de 20 ans où chaque élève accumulait tout le savoir qui résidait chez ses aînés. La place des druides semble très très forte à partir de la fin du 4e siècle et le début du 3e siècle avant notre ère. Il y a réellement une prise de pouvoir du religieux ? Ah oui, bon. Et même du pouvoir des druides ? Probablement, parce qu'on le voit dans les grands sanctuaires. Les grands sanctuaires qui apparaissent notamment au tout début du 3e siècle, peut-être même un petit peu avant, ça c'est les découvertes futures qui nous le diront, montrent qu'on a affaire à un culte d'État, qui est vraiment un culte, là cette fois-ci, totalement institué, et qui est vraiment aux mains de ces savants, qui sont seuls capables de mener les recherches astronomiques, les recherches géométriques, pour établir ces sanctuaires. Jean-Louis Bruno, quelle est la philosophie des druides ? Grave question. C'est une philosophie qui, pour ce que j'en vois, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel, qui ressemble beaucoup à ce que l'on trouve chez les présocratiques, donc grecs, donc tous ces penseurs qui ont précédé Platon, en quelque sorte, qui réfléchissent beaucoup sur le cosmos, sur la nature, qui croient, donc, comme les pythagoriciens, en l'immortalité de l'âme, et qui ont vraiment un désir de donner une éthique à la société humaine. Donc c'est tout le contraire de sacrificateurs, de gens qui veulent tenir la population sous leur coupe. Ce qui est intéressant, c'est que Posidonios cherche la morale druidique et il cherche à comprendre si Pythagore a influencé cette morale druidique ou si c'est l'inverse. C'est bien ça ? Oui, ça effectivement, il n'est pas le seul. Hein. C'était effectivement la comparaison entre druides et pythagoriciens est ancienne. Hein. Ça remontait probablement au tout début du 3e siècle, donc chez les successeurs d'Aristote, les premiers historiens de la philosophie, qui ont cherché à répondre à la question « Est-ce que ce sont les Grecs qui ont inventé la philosophie ou est-ce que ce sont d'autres sages des civilisations environnantes ?» Et ils ont fait une enquête sur toutes les civilisations environnantes et ils citent les mages chez les Perses, les Chaldéens chez les Assyriens, les prêtres égyptiens qui sont beaucoup plus que des prêtres, qui sont aussi des grands savants, et ils citent les druides. Et ils arrivent à la conclusion que tous ces gens-là sont des savants et tous ces gens-là sont des philosophes. Et donc, le rapport avec Pythagore, effectivement, c'est quelque chose auquel on ne peut pas répondre parce qu'il y a eu des légendes qui disaient que Pythagore était venu en Gaule s'instruire chez les druides. Mais chronologiquement, ça ne tient pas parce que Pythagore appartient plutôt au 6e siècle, à une époque où les druides n'étaient pas encore bien installés en Gaule. Mais bon, ça, c'était une façon d'exprimer le rapport étroit entre les croyances pythagoriciennes et les croyances des druides. Donc on pensait que c'était un contact physique. En tout cas, on est très proche du monde grec. Ah oui, là, on est vraiment dans une proximité qui est tout à fait étonnante. On le voit par ces sanctuaires, on le voit par ce qui se passe aussi dans ces sanctuaires, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux, les trophées d'armes, etc. Justement, Jean-Yves Bruno, la grande découverte de l'archéologie est celle des sanctuaires. C'est d'ailleurs vous qui les avez mis en évidence. Aujourd'hui, un des plus vieux se trouverait à Vix, donc en Côte d'Or. Oui, tout à fait. Il a été déjà découvert il y a quelques années, peut-être même une petite dizaine d'années maintenant. Et effectivement, il est très intéressant parce qu'il nous donne déjà le plan du sanctuaire, qui est un plan quadrangulaire, délimité par un fossé, et la présence au centre géométrique de cet espace, d'une fosse qui est un autel qu'on appelle souterrain, qui ressemble à ces autels chtoniens qu'on connaît en Grèce. On y aurait trouvé des sculptures ? Alors, on a trouvé dans le remblai du fossé deux sculptures monumentales, enfin de taille humaine, représentant un homme et une femme en position assise, comme si ces individus, probablement des aristocrates, peut-être les aristocrates qui ont été enterrés à proximité, dans les fameux tumulus de Vix, comme si ces deux individus statufiés avait participé à un banquet funéraire et cultuel qui s'est tenu dans ce lieu. Est-ce qu'on peut être assez proche de ce que l'on connaît dans le midi de la France avec ces sculptures d'Oran ? Il y a eu une tentative, disons, dans le courant du 5e siècle, de la part de certains aristocrates, et donc à Vix, on est vraiment dans le lieu de ces aristocrates, pour finalement installer ces modes grecs en territoire gaulois. Et je pense que ces tentatives n'ont pas réussi parce qu'elles ont dû être combattues justement par les druides. Sinon, elles auraient dû s'installer, il n'y a pas de problème. À Vix, on aurait aussi un banquet. Là, on est sur le modèle du banquet grec. Oui, tout à fait. Ou antique, du moins. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui a effectivement très, très bien marché en Gaule. C'est une mode qui a beaucoup pris. Donc, ce qu'on appelle le symposion, ce banquet grec, pour lequel étaient justement distribués de la vaisselle grecque, notamment. Ce sont des choses qui se sont très, très bien développées en Gaule parce que les Gaulois cultivaient beaucoup la guerre, le compagnonnage des guerriers. Et ce compagnonnage des guerriers, comme chez les chevaliers du Moyen-Âge, oblige justement ces manifestations qui soudent la communauté des guerriers. Et notamment, en temps de paix, il faut que ces gens-là se réunissent régulièrement. Il nous faut parler aussi de Gournay-sur-Aron, d'un grand sanctuaire gaulois du nord de la France. Oui, c'est le premier sanctuaire qui a été reconnu, et qui a été reconnu grâce à Diodore de Sicile, qui lui aussi donc a recopié des morceaux de Posidonios et qui donnait la clé pour comprendre ce qu'on était en train de découvrir, parce que on trouvait un fossé qui était rempli d'armes, qui était rempli d'os animaux. On se demandait ce que ça signifiait. Et je me souviens fort bien que j'avais un collègue haut en couleur, Monsieur Millotte, qui était un très très grand préhistorien des années 70-80. Le colonel Millotte. Le colonel Millotte, qui voyant ça, nous avait dit « Mais c'est le fossé du Père Ubu ». Donc c'était excusez-moi pour l'expression, mais c'était un foutoir incompréhensible. Or, Posidonios est écrit dans un texte assez célèbre maintenant, il existe en Gaule des enceintes carrées où se tenaient, des téménées, donc des enceintes sacrées, qui sont pleines de richesses. Et donc là, on avait la solution pour comprendre ce que l'archéologie nous mettait sous les yeux, mais qu'on ne pouvait pas interpréter tout seul. On y sacrifie des animaux, on y sacrifie des armes, tout ça aux dieux. Alors, on va rectifier un petit peu, on ne sacrifie pas des armes, on va y revenir. On sacrifie des animaux qui ne sont pas n'importe quel animaux, ce sont des animaux domestiques. Parce que les dieux, les Gaulois, comme les Grecs, considèrent que les animaux sauvages appartiennent aux dieux. Donc, ils n'ont pas l'idée saugrenue d'offrir des animaux qui appartiennent aux dieux. Donc, ils offrent des animaux qu'eux-mêmes ont produits, donc le bœuf, le mouton et le porc. Et encore une fois, on a cette proximité avec le monde grec et romain, le suaveturilia, les trois animaux canoniques, en quelque sorte. Et on fait des trophées d'armes, et là aussi, exactement de la même manière que chez les Grecs. Donc, dans un rite qui s'appelle l'anathéma en Grèce, qui consiste à accrocher des armes aux clôtures du sanctuaire, et de les laisser là jusqu'à temps qu'elles pourrissent. Et c'est quand elles sont complètement oxydées, qu'elles sont tombées sur le sol, que là, on les torture, on les mutile, non pas pour les sacrifier, mais pour les désacraliser. Donc qu'elles ne puissent plus servir, et pour bien montrer qu'elles n'ont plus d'efficacité. Ces armes appartiennent aux dieux, donc. Ah, les armes appartiennent aux dieux, donc il faut qu'elles restent dans le sanctuaire, mais elles n'ont plus aucune efficacité. Il nous faut encore parler de Ribemont-sur-Ancre, grand site que vous avez fouillé, où là encore, on honore des dieux chthoniens, des dieux des entrailles de la terre, des enfers. Oui, c'est certainement une divinité guerrière, donc qui a été honorée sur ce sanctuaire, qui a une histoire très particulière, puisque c'est un lieu de culte, d'ailleurs complexe, puisque il se compose de trois parties, donc un lieu de banquet dont on a parlé tout à l'heure, un lieu de proprement cultuel, et un lieu pour honorer les morts. Et cet ensemble, très complexe, fait suite à une bataille mémorable, semble-t-il, qui a causé l'affrontement de plusieurs milliers d'individus dans les années 260 avant Jésus-Christ. En 260, des individus sans tête. Jean-Louis Bruno, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Les religions gauloises, publié chez Biblis. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Bernard Laniel, avec la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 change de lieu, mais surtout remonte le temps.